بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا نواصل قراءتنا ودراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة المكريزي رحمه الله تعالى وذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الملك معنى الملك بعد أن درسنا معنى الرب الرب Donc on va continuer directement, Inch'Allah, on reprend sans plus attendre sur la lecture du livre Tajrid Tawhid Al-Mufid. Et donc dans la dernière assise, après que l'auteur nous ait enseigné le sens de Ar-Rabb, le Seigneur, et on a dit du nom d'Allah Azzawajal parmi ses noms sublimes, Ar-Rabb, il y a l'attribut de Ar-Rububiyya. L'attribut de Ar-Rububiyya. Donc Allah Azzawajal est Ar-Rabb, c'est le Seigneur. Donc le Seigneur détient, bien sûr, la seigneurie. Détient la seigneurie. Ensuite, l'auteur, après nous avoir clarifié le sens de Ar-Rabb, le Seigneur, il nous clarifie le sens de Al-Malik. Et Al-Malik aussi fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit quel est le sens de Al-Malik. Il nous dit le sens de Al-Malik huwa Al-Amir al-Nahi alladhi la yakhluq khalqan bimuqtada rububiyyati wa yatrukuhum suda mu'attalin. Il dit Al-Malik c'est qui? On traduit de manière littérale, Al-Malik c'est le roi absolu, le souverain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Malik. Allah est le souverain absolu de cet univers, de ce monde. Et quel est le sens? Donc c'est une traduction littérale et rapprochée du nom sublime d'Allah azza wa jal, Al-Malik. Quel est le sens de Al-Malik, celui qui est souverain, celui qui est le roi absolu? Al-Malik, ou alladhi ya'amur. Pour ça on dit Al-Amir, wa'n-nahi, wa'n-nahi. C'est celui qui ordonne, commande, on avait dit, et celui qui interdit. كذلك هو المعطي والمانع المعاقب المثيب. C'est celui qui rétribue, récompense, comme يعاقب aussi. Tout ça, ça fait partie du sens du nom Al-Malik. Al-Malik. De là, l'auteur, regardez, en résumé. قال لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون فإن الملك هو الأمر الناهي. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas pu les créer en vain, sans qu'il y ait un objectif. Pourquoi? Parce que quoi? Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est celui qui donne existence, qui détient les particularités de la seigneurie. Il a créé ce monde et créé les habitants de ce monde. Il a donné existence. Al-Mujid. Aujada. Al-Khalq. Maintenant, est-ce que le Créateur, ce Seigneur, Rabb, a laissé ses créatures sans objectif? Il les a créées sans objectif, comme on dit, en vain? Tarakahum souda, mu'attalin, en vain? Non, il y a une cause. Pourquoi? Parce que Hu al-Malik. Et al-Malik est celui qui, al-Amir, celui qui commande, qui interdit, qui rétribue, qui récompense. Donc regardez, l'auteur qu'est-ce qu'il va nous enseigner? فَقَالَ فَإِنَّ الْمَلِكَ هُوَ الْأَمِرُ النَّاهِ الْمُعْطِ الْمَانِعَ الضَّرُّ النَّافِعُ الْمُثِيبُ الْمُعَاقِبُ وَلِذَلِكَ جَاءَتْ الْإِسْتِعَاذَةُ فِي سُورَةِ النَّاسِ وَسُورَةِ الْفَلَقِ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الثَّلَاثَةِ. Et on s'est arrêté là, et là c'est très pertinent. C'est pour cela qu'il dit que dans la sourate An-Nas, la sourate des hommes, et on a dit, on a deux grandes sourates à la fin du Coran. Malgré qu'elles sont petites, elles sont quelques versets, mais ce sont les deux grandes sourates, parmi les plus grandes sourates, pour rechercher la protection auprès d'Allah et se réfugier auprès d'Allah. Sourate Al-Falaq et Sourate Al-Nas sont de grandes sourates, immenses sourates, pour rechercher la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate des hommes, Sourate Al-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala va citer ces trois noms sublimes. Comme il dit, regardez, ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة. Il sous-entend quoi ? الرب والملك والإله. Les trois noms. قال, il dit, الرب والملك والإله. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. Lorsqu'on dit قل, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. On dit Seigneur des hommes, pourquoi ? C'est la traduction de Rob. Rob, le Seigneur des hommes. Ensuite, la question se pose. On apprend dans ce premier verset qu'Allah est le Seigneur des hommes. On cherche protection auprès du Seigneur des hommes. La question maintenant, une fois qu'on sait que Allah est le Seigneur des hommes, la question qui peut venir à l'esprit, est-ce que ces hommes-là ont un objectif précis, Allah leur a ordonné quelque chose de précis, ou bien ces hommes-là, Allah est le Seigneur, mais les a laissés comme cela, sans qu'il y ait un objectif précis à leur création. La réponse est dans le deuxième verset. Il y a la réponse à cette question. Malik al-Nas, souverain absolu, Malik al-Nas, des hommes, roi des hommes littéralement. Il y a la réponse. Pourquoi ? Parce que le cher, ce qu'il veut nous enseigner, Al-Malik, le souverain, c'est celui qui commande, interdit, rétribue, yu'aqib, punit. C'est celui qui justement donne les ordres, subhanahu wa ta'ala. Wa ad-dar, kadhalik, an-nafi'a. Tout ça, c'est les caractéristiques de Al-Malik. Donc, c'est comme si l'auteur ici veut nous dire que lorsqu'ensuite on lit Malik al-Nas, on a la réponse à cette question. Qu'est-ce qui reste alors ? Si on sait qu'Allah est le Seigneur, il nous a créés. Ensuite, de cette création, il y a un objectif. On a la réponse. Malik al-Nas. Maintenant, quel est cet objectif ? On sait à travers ces deux versets qu'il y a un objectif alors. Quel est cet objectif ? Ilah al-Nas. C'est l'objectif. Et de là, c'est pour ça que les savants, qu'est-ce qu'ils disent ? Dans le verset Ilah al-Nas, c'est l'objectif suprême, ultime. Ilah al-Nas, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a créé les hommes. Seigneur des hommes, roi des hommes, Ilah al-Nas, l'adorer. Souvent traduit par le Dieu des hommes, l'adorer. Ilah, al-ma'alou, al-ma'abud. Vous avez vu juste avec là, mashallah, la surat al-Nas, là on l'entend plus pareil. La sourate, si on la médite et on l'écoute, là, on comprend mieux, subhanallah. C'est pour ça que même des gens, par exemple, qui mémorisent pas forcément une très grande partie du Coran, mais qui mémorisent une petite partie du Coran, mais si cette petite partie qu'ils mémorisent, qu'ils ont apprise du Coran, si en même temps, ils font des recherches sur les mots, ce qu'on appelle gharib al-Qur'an, sur les mots, sur tafsir, sur l'exégèse, sur l'interprétation des versets, de sorte qu'ils comprennent mieux et avec le temps, ils approfondissent leur recherche sur l'interprétation des versets, c'est immensément bénéfique. Imaginez-vous que quelqu'un, par exemple, a mémorisé au moins, je ne vais pas dire ne serait-ce, parce que mémoriser Juz'a Amma, c'est immense en réalité. Il faut pas dévaloriser le bien. Celui qui mémorise Juz'a Amma, cette partie-là, imaginez-vous toutes les preuves qu'il a concernant la description de l'au-delà, concernant les versets liés à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce monde. Juste le fait de bien comprendre Al-Mu'awwidhatayn, les deux dernières sourates qui sont des sourates qu'on appelle protectrices, déjà il y a un sens immense. Regardez là, alors c'est pour ça que l'auteur nous dit, c'est très pertinent, il nous dit dans ces trois versets, donc il y a les mentions de ces trois noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rab, Al-Malik, Al-Ilah. Al-Rab qui a créé ce monde, pour un but ou non, un objectif, Naam, parce que Al-Malik al-Nas. Pourquoi le but et l'objectif ultime et suprême, Al-Ubudiyya, c'est l'adoration. Donc, reconnaître qu'Allah, pour résumer maintenant, reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Rabb ou al-Malik, ça nous mène à l'ubudiyya, al-Tawhid al-Uluhiyya. C'est le but. C'est bien pour ça qu'Allah azza wa jalla a envoyé des prophètes et des messagers. Qala fa'athbata al-khalq wal-amr. Donc Allah jalla wa ala, pour cela, il a confirmé dans son livre aussi bien la création que l'ordre. Ala lahul khalq wal amr. Comme Allah dit dans le verset 45 ou 54 plutôt dans la sourate Al-A'raf. Falamma qila dhalik qila fa idha kana rabban mujidan wa malikan mukallifan. Allah huwa al-mukallif wa al-insan huwa mukallaf min al-mukallafin. Fa idha kana rabban mujidan wa malikan mukallifan فليحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر قيل إله الناس إله الناس. Et c'est ce que l'auteur ici va bien expliquer. Donc il dit, si on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, celui qui donne existence, et qu'Allah est le Malik, donc yukallif wa mukallif, c'est Allah jalla wa ala qui nous a kallaf, qui nous a donné cette charge, cet ordre de la donner, de l'adorer, pardon. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Le but ultime. Alors, est-ce qu'on peut s'orienter vers un autre que lui? Non. Puisque dans le verset, il est dit, c'est lui qui détient la création et l'ordre. إِلَهِ النَّاسِ أي مَا مَعْنَا إِلَهِ النَّاسِ أي مَأْلُوهُمْ وَمَحْبُوبُهُمْ. Vous avez vu l'auteur, comme on l'a stipulé dans les assises précédentes, il insiste sur le terme al-hubb, mahbubuhum. Il insiste sur le terme, comme il avait cité, on avait cité dans les autres assises, il avait bien cité le verset qui est très important, fil bab. Wa min al-nas ma yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Vous avez vu, dans quoi ils ont donné un associé à Allah, un semblable et un égal à Allah? Dans l'amour, qui est une adoration. Et c'est pour ça que dans les assises précédentes, on a parlé de mahabbat al-ibada, l'amour d'adoration. Qala alladhi la yatawajjahu al-'abd al-makhluq al-mukallaf al-'abid illa la faja'at al-ilahiyyah khatima wa ghaya wa ma qablaha kat-tawti'at laha. Qala wa hatani suratan a'zam 'awzat fi al-Qur'an wa ja'at al-isti'adatu bihima waqt al-hajati ila dhalik. Et donc ensuite, l'auteur va nous enseigner que ces deux sourates, Al-Falaq et sourate An-Nas, sont des sourates qui sont immensément grandes. Des sourates, par la grâce d'Allah, qui sont protectrices. Et dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a utilisé lorsqu'il a été ensorcelé. « Qala wa huwa hina suhira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa khuyila ilay annahu yaf'alu shay sallallahu alayhi wa sallam » وما فعل فأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. Et donc l'auteur ici nous stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été ensorcelé, et l'histoire est célèbre, que le prophète a bien et bien été ensorcelé. Et comme le stipule l'auteur du livre, il stipule que c'est cité dans les authentiques. C'est cité dans les authentiques. Et de ce fait, il est cité que le prophète sans est resté 40 jours. Et le prophète avait des allusions de faire une chose alors qu'il ne le faisait pas. Il pensait avoir fait des choses alors qu'en réalité, il ne les avait pas fait. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé justement al-mu'awwidhatayn, ces deux sourates. Et donc c'est pour ça, lorsqu'on veut rechercher la protection, se préserver ou chercher guérison auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne pas négliger cela. Ne pas négliger cela. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné donc que cela durera 40 jours. Dans une riwaya, dans une version du récit, il est cité 120 jours. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut atteint par cela plus d'une centaine de jours, et les cités 120 jours. Alors les savants ont réuni cela en disant que les 40 jours, c'est lorsque vraiment sont apparus les signes. Sinon, c'est resté plus de 100 jours, mais vraiment, où que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu les signes et a senti. Et justement, il y a cette description de cette sorcellerie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi, que cela a duré 40 jours. Comme cela, certains savants ont jma'a, ont rassemblé entre les deux informations. Ou plutôt, il est cité, c'est pas 120 jours, pardon, c'est 6 ashur, 6 mois. Il est cité 6 ashur. Faqama 40 layla. Donc le prophète est resté 40 jours comme il est dit. Wa fi riwayati Wahib an Hisham an Ahmed. Et c'est dans une version d'après Wahib an Hisham, d'après Ahmed, il est dit 6 mois. 6 ashur. 6 mois. ويمكن الجمع بأن تكون ستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه وأربعين يوما من استحكامه كما l'a cité précédemment. Donc c'est 6 mois. Donc il y a une version d'après Wahib, d'après Hisham, d'après l'imam Ahmed, une version qui rapporte 6 mois. ثم قال المصنف وكانت عقد السحر 11 عقدة. Et le sortilège, il est dit qu'il était composé de 11 nœuds. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِحْدَى عَشْرَ آيَةٍ فَنْحَلَّتْ بِكُلِّ آيَةٍ عُقْدَةٍ. Et de là, il est rapporté qu'Allah Azza wa Jal a révélé les deux sourates protectrices, Al-Falaq wa An-Nas, qui sont composés de 11 versets. فَنْحَلَّتْ بِكُلِّ آيَةٍ عُقْدَ. Et donc, a été ou fut dénué chaque nœud par un verset. Chaque verset a dénué un nœud. Vous avez vu, dans le verset comme, il est dit qu'on cherche protection contre celle qui souffle sur les nœuds. نَفَثَتْ فِي Al-Uqad. Al-Uqad, c'est le pluriel de Uqda. Sauf que le récit qui dit que ce sortilège-là, il y a eu un sortilège, mais qu'il était composé de 11 nœuds, en ce qui concerne la narration et la transmission sur l'authenticité du récit, fi anadhar. Il y a réflexion chez les savants. Et certains disent, comme c'est attribué à Al-Hafidh ibn Hajar, l'érudit Al-Hafidh ibn Hajar, que la chaîne de transmission qui remonte et qui justement confirme 11 nœuds, que le sortilège était composé de 11 nœuds, n'est pas authentique. Wa annahu ja'a min hadith ibn Abbas bi sanadin da'if. C'est venu d'après une chaîne de transmission faible. An al-'adad al-'uqad 11 'uqda. Et c'est rapporté par l'imam Al-Bayhaqi fi kitab ad-dala'il. وجاء عنه مثل ذلك بسند آخر لكنه منقطع عند ابن سعد. Il y a une autre chaîne de transmission qui rapporte le même récit, d'après ce qu'on comprend ici, d'après le Bayhaqi, mais aussi cette chaîne de transmission qui remonte à Ibn Sa'd, elle est interrompue. Donc il y a une interruption. Ce qui fait que les savants, les spécialistes en la matière, ne peuvent pas la confirmer. Al-Muhim, lui, l'auteur la cite. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفة الكمال فيه. Donc là, concentrez-vous bien. Pour les frères qui sont arabophones, alhamdoulilah, c'est vraiment sur le texte arabe qu'il faut se concentrer. L'argumentation est très pertinente. Et pour les frères francophones aussi, concentrez-vous bien aussi sur le texte arabe. Comme ça, vous allez vous familiariser avec des mots et avec la langue. Et pourquoi ? Parce que la traduction, elle reste toujours relative. Et elle reste toujours approximative et rapprochée. C'est un effort. Qal al-musannif. Regardez ce qu'il va dire ensuite. Donc, l'argumentation concerne Sourate An-Nas, vous avez bien compris. Très pertinente. L'argumentation concernant Sourate An-Nas. Maintenant, l'auteur va dire, puisque maintenant, après qu'on ait expliqué le terme Ilah, on l'a expliqué dans ce qui a précédé. وَتَعَلَّقَتَ الْإِسْتِعَادَةُ فِي أَوَالِ الْقُرْآنِ بِاسْمِهِ الْإِلَهِ. Regardez ce qu'il va dire. Après qu'il nous ait parlé de demande de protection, Al-Istirada, c'est une demande de protection. Cette demande de protection, fi awa'il al-Qur'an, elle a été liée à quoi ? Au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ilah. La ilaha. Vous avez vu lorsqu'on dit la ilaha, pas de ilaha. Al-Ilah. Qala, Al-Ilah huwa al-Ma'bud wahda. C'est l'adoré, seul et unique. L'ijtima' sifati al-kamal fi. Du fait que en lui seul détient les attributs de perfection. Wa munajat al-'abd li hadha al-ilah al-kamil dhi al-asma' al-husna wa sifat al-'ulya. Et donc de ce fait le serviteur est en lien. Le serviteur est en lien avec son Seigneur en l'appelant, en l'invoquant, subhanahu wa ta'ala, il appelle, il invoque son ilah qui est parfait, qui détient les noms sublimes et les attributs de perfection. Al-marroubu ilay fi an yu'id 'abdahu, ou plutôt yaqul, al-marroubu ilay. فَأَنْ يُعِيذَ عَبْدَهُ الَّذِي يُنَاجِهِ بِكَلَامِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْحَائِرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُنَاجَاتِ رَبِّهِ. Et donc de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on s'oriente et revient vers lui, c'est lui alors qui va accorder protection à celui qui s'est orienté vers lui en l'appelant ou en l'invoquant. En l'invoquant. Regardez. المرغوب إليه في أن يعيذ عبده. Du fait qu'Allah Azza wa Jal va lui accorder protection. في مناجات أو أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه. Il va accorder protection à son serviteur qui l'invoque. Al-Munaja, c'est en quelque sorte le fait de demander, de parler avec son créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est une relation avec son créateur, subhanahu wa ta'ala. Bikalamihi, avec ses paroles, il demande protection à son créateur contre al-Shaytan, contre le diable. Qui dit, al-Ha'ili baynahu wa bayna munajat Rabbi. Ce Shaytan-là, qui se met entre le serviteur, son appel hein, au serviteur, et le Seigneur de celui-ci. Et donc, Shaitan se met entre le serviteur. Et donc, il cherche protection près de son Créateur. Et Allah lui accorde protection. Et le protège. Subhanahu wa ta'ala. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن اسم الله هو الغاية للأسماء. Et regardez. Ensuite, il dit, parmi la manière, le lien qu'on a pour demander la protection d'Allah Azza wa Jal, d'utiliser le nom Allah. A'udhu billah. A'udhu billah. Il dit, min ash-shaytani ar-rajim. Contre eux, le Satan lapidé, comme c'est souvent traduit. Qala, pourquoi li'anna ism Allah huwa al-ghayatu lil-asma. Parce que le nom d'Allah, comme on l'avait dit dans les assises précédentes, c'est celui qui rassemble tous les noms sublimes. Tous les noms sublimes. Lorsqu'on dit Allah, c'est celui qui est Al-Malik, Al-Rabb, Al-Wadud, Al-Ghaffar, Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, tous ces noms d'Allah Azzawajal, Al-Mutakabbir, tous ces noms d'Allah, lorsqu'on dit Allah, et bien Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient tous ces noms sublimes. Subhanahu wa ta'ala. Pour cela, on ne peut appeler personne avec ce nom, Allah. Seul lui, Jalla Jalalu, s'appelle Allah. Faqala, fahuwa ghayatu lil asma. ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. هذا كذي. ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن. فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. Vous savez, c'est pour ça que dans de nombreux versets, on dit par exemple, il y a des versets où il est cité le nom d'Allah Azza wa Jal, ensuite il est suivi par un autre nom. Allahu, par exemple, huwa as-salam, al-mu'min al-muhaymin, par exemple. Pourquoi ? Parce que fal jalalatu tu'arrifu ghayraha, wala al-aks, wa ghayruha la yu'arrifuha. كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين الذين أشركوا به تعالى في ربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ لا وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. Maintenant l'auteur, après qu'il nous ait bien expliqué cela, donc dans les assises précédentes, on a appris le sens de ربوبية, on a appris le sens de الألوهية, on a appris la différence qu'il y avait entre les deux. Et on a appris qu'est-ce qu'était Al-Ghaya, l'objectif ultime. L'auteur maintenant revient à la seigneurie. Il revient à l'unicité et le domaine de la seigneurie. Il dit وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا بِهِ تَعَالَى فِي الرُّبُوبِيَّةِ مِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ مَعَهُ خَالِقًا آخَرَ. Précédemment, regardez, là il va donner une autre information, une nouvelle information. On va apprendre autre chose là. Dans les assises précédentes, on a appris que les polythéistes arabes du temps pré-islamique, fil jahiliya, eux, on a appris, d'une manière générale, ils croyaient, professaient en l'unicité de la seigneurie. Ils croyaient en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Que Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses, comme on l'a dit, qu'Allah est pourvoit la subsistance des hommes. Là, l'auteur nous dit, il y en a où الذين أشركوا به تعالى في الربوبية. Le temps maintenant nous donne une autre information sur la seigneurie. Il dit il y en a qui ont donné des associés, malgré que lorsqu'on a parlé des polythéistes arabes du temps pré-islamique, on a dit qu'ils croyaient en la seigneurie de manière générale. De manière générale. Là, l'auteur va nous donner un exemple de shirk, de polythéisme dans la seigneurie. قال والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر. Parmi ceux qui ont donné des associés dans la seigneurie. Donc on a appris le polythéisme peut se faire dans le domaine de l'adoration. Mais maintenant l'auteur va nous apprendre, puisque tout ce qui a précédé, il y avait un rappel sur le domaine de l'adoration. Maintenant l'auteur nous apprend, nous enseigne qu'il peut y avoir du polythéisme, des formes de polythéisme dans le domaine de la seigneurie. Qala, et parmi ceux qui ont donné des associés dans la seigneurie, minhum man athbata ma'hu khaliqan akhar. Parmi eux, ceux qui ont affirmé, cru qu'il y a un autre créateur avec lui. Wa in lam yaqulu innahu mukafi'un la wa hum al-mushrikun. Même s'ils n'ont pas dit forcément qu'il était comme Allah Azza wa Jal, wa hum al-mushrikun, wa man dahahum min al-qadariyya, et ceux qui leur ont ressemblé comme les négateurs du destin. Cette première tendance innovatrice, cette première fraction secte qui est apparue dans les premiers siècles, déjà à l'époque des compagnons du prophète ensemble qui se sont appelés al-qadariyya, les négateurs du destin, comme on avait déjà relaté le récit avec Abdallah ibn Omar, lorsque des gens de Kufa avaient rendu visite à Abdallah ibn Omar pendant un pèlerinage, et l'avait informé de ce que disait Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, qui faisait partie des figures de l'époque parmi ceux qui propageaient la négation du destin. Al-Qissa, l'histoire, comme elle est citée. قال وربوبيته سبحانه وتعالى للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه ثم قال ولهذا قال والشرك الأمم كله نوعان كله نوعان شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. Ensuite l'auteur lorsqu'il clarifie cela et on reprendra plus en détail, on va essayer là d'avancer, on prendra certains points plus en détail dans ce qui viendra. Il dit donc, il va résumer le polythéisme des nations à deux polythéismes. Un polythéisme lié à la seigneurie et un polythéisme lié à l'adoration. Al-Ubudiyya wal-Uluhiyya. Qala, fashirku fil-ilahiyya. والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك وهو شرك العباد وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشيخ والصالحين والأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم إلا أو الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامتي لهم قرب وكرامة وهو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. تفضل. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التام والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة محمدا الذي وعد. إذا نواصل ونكمل هذا الموضوع. فذكر المصنف رحمه الله تعالى. Donc là, l'auteur, comme on a pu voir dans ce qui a précédé, il a longuement parlé de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit que celui qui ouvre le livre, le noble livre, le noble Coran, verra que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au peuple, nous rappelle qu'il est le créateur, celui qui a donné existence. Et donc ce qu'on appelle khasais al-rububiyya, les particularités de la seigneurie. Les particularités de la seigneurie. Cela pour rappeler les croyants à lui vouer adoration pure et exclusive. Pure et exclusive. Lorsque le croyant donc lit le livre d'Allah Azza wa Jal, il voit que dans son livre, il y a différentes histoires de prophètes. Des prophètes et des messagers. Et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal cite un prophète, un messager et l'histoire de celui-ci avec son peuple, il n'y a aucune divergence. À chaque fois, le prophète appelait son peuple à l'adoration du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque ce peuple-là avait sombré dans des formes de polythéisme. Et l'auteur ici va dire فَالْمُشْرِكْ فِي الْإِلَهِيَ وَالْإِبَادَةِ وَالْغَالِبِ. C'est pour ça qu'il dit que généralement le polythéisme dans le domaine de l'adoration, c'était le prédominant. Ce qui est prédominant. En général, le polythéisme s'était fait dans le domaine de l'adoration. Comme c'était le cas pour le peuple arabe, polythéiste arabe à l'époque de Al-Jahiliya. À l'époque de Al-Jahiliya. Que leur shirk, de manière générale, était lié au domaine de l'adoration. Donc ce domaine-là, il est très important de le comprendre, parce qu'au moins lorsqu'on lit le Coran, on commence à méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque par exemple il y a des versets qui concernent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui approfondit le domaine, donc il se rend compte de la grandeur et la majesté de son créateur. Il comprend l'essence. Par exemple, dans Sourate Al-Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah, ici, dans ce verset, fait allusion à sa seigneurie. Louange à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les louanges d'Allah? Parce qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur de l'univers. Donc, il mérite les louanges. Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. On voit qu'Allah, ensuite, nous cite parmi ses noms sublimes, qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous, parfois, on est négligent dans notre méditation et notre apprentissage des noms d'Allah, des noms du Créateur. Parce que lorsque, si on essaie de s'approfondir dans la compréhension des noms d'Allah, Azza wa Jal, là, on va commencer à connaître et avoir une connaissance de notre Créateur. Et ça, c'est très important puisque on vient à la mosquée, on prie, on adore Allah Azza wa Jal, on adore notre Créateur. Donc il faut connaître son Créateur. Et le fait de méditer ses noms, par exemple, de se rendre compte de qu'Allah Azza wa Jal, ou Ar-Rahman, par exemple. C'est le tout miséricordieux. C'est toujours une traduction rapprochée. On voit que le livre d'Allah Azza wa Jal débute par ces noms-là. Les premiers noms, lorsqu'on ouvre le Coran, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Ces premiers noms qui sont mentionnés, Allah et les deux noms, Ar-Rahmani ar-Rahim. Le tout miséricordieux. Et donc de ce fait, par exemple, si on médite, par exemple, Ar-Rahman, c'est celui qui détient Ar-Rahman, l'attribut de la miséricorde, alors on commence à avoir de l'espérance. On commence à espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci est infinie. Et comme on l'a dit, Allah azza wa jal n'a pas de semblable. Rien n'est comparable à lui. Donc, aucune miséricorde n'est comparable à sa miséricorde. Et c'est pour ça que le croyant doit méditer cela. Allah, par exemple, wa al-ghafur, le grand pardonneur. Notre créateur est le grand pardonneur. Alors le croyant, à force de méditer sur les noms d'Allah Azza wa Jal, vous avez vu, beaucoup de versets dans le Coran terminent par des noms. Ces noms-là, il faut les apprendre. C'est pour cela que il est dit dans un récit, le prophète même nous dit, celui qui apprend les noms d'Allah, il rentre au paradis, les 99 noms. Malgré qu'il y a plus de noms, ça c'est 99 qu'on connaît. Mais sinon, Allah Azza wa Jal a plus de 99 noms. Des noms qu'on ne connaît pas. Celui qui les mémorise, qui les apprend. Qu'est-ce qu'a dit le prophète ? Il rentre au paradis. Vous savez, dans la vie, l'une des choses qui est très importante pour le croyant, c'est de garder toujours un bon soupçon, un bon préjugé, une bonne opinion de son créateur. Husnudhan. Ça, c'est un immense travail à faire sur soi-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas espérer des grandes épreuves. Il ne faut pas espérer des épreuves. Pourquoi ? Parce que le croyant ne sait pas, lors d'une épreuve, est-ce qu'il va toujours garder un bon soupçon. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'il enseignait à ses compagnons, de ne pas quitter ce monde avec une mauvaise opinion. Su'adhan billah azza wa jal. Et dans le Coran, ces opinions-là, elles sont appelées dhan al-jahiliya, les opinions du temps pré-islamique. Le croyant, lui, doit toujours garder une bonne opinion, un bon soupçon envers son créateur. Les grands savants disent, ceux qui seront préservés des mauvais préjugés et des conjectures, des mauvais soupçons vers le créateur, c'est ceux qui étudient le domaine des noms et des attributs. Tawhid al-asma wa sifat. Pourquoi ? Parce que plus on connaît notre créateur, plus on sait qu'Allah, par exemple, est le miséricordieux, le clément, le grand pardonneur. Allah est celui qui aime ses serviteurs. Allah est celui qui a octroyé la subsistance à tous ses serviteurs. Tout ce qu'on a parmi tous ces bienfaits qu'on connaît chaque jour, chaque instant de cette vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblé de tout cela. Donc le créateur, à force de méditer les noms d'Allah azza wa jal, wal mani' wal mu'ti subhanahu wa ta'ala, alors il se rend compte de la grandeur, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela ensuite que notre confiance en lui commence à s'intensifier et va s'accroître. Donc il y a un gros travail à faire en ce qui concerne ibadat al-quloub, les adorations du cœur. Si une personne ne travaille pas cela, n'étudie pas cela, comment il peut rester des heures assis comme ça à invoquer ? C'est pas comme une personne qui sait. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Une personne qui sait qui est-ce qu'il invoque. Il sait là qu'il invoque Al-Jabbar. Il connaît son Seigneur. Donc il sait pour qui il est assis, pour qui il se prosterne, qui est-ce qu'il invoque. Il peut passer du temps à invoquer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, yatalazzaz biyadil ibada. Et il trouve du plaisir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'il connaît son Seigneur. Il sait qu'Allah azza wa jal est proche. Qarib min ibadi. Il sait qu'il est proche de ses serviteurs. Il sait qu'Allah azza wa jal huwa as-sami'. As-sami', c'est celui qui entend tout. Subhanahu, rien ne lui échappe. Vous avez vu, regardez, lorsqu'on observe la création, le monde, vous avez vu tous les arbres. Tous les arbres qu'il y a sur cette planète. Il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe sur terre qui échappe au Créateur, sans qu'Allah le sache. Il n'y a rien qui se produit dans cet univers sans qu'Allah le sache. Il n'y a pas une épreuve qui te touche sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prédestine avant. Il n'y a pas un serviteur qui implore son créateur, qui lui demande, qui l'invoque sans qu'Allah l'entende. Allah entend tout. Vous savez, si tous les êtres réunis, de toutes les générations réunies, et tous les djinns de toutes les générations réunies, demandaient Allah en même temps, Allah donnerait à tout le monde, ça ne diminuerait rien de son royaume. Subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on sait que, vous avez vu, à force de méditer les noms et les attributs d'Allah, qu'Allah c'est le Seigneur. Alors, c'est pour ça qu'on doit insister dans nos demandes. Parce qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal détient tout le bien. C'est immense pour le croyant. C'est pour ça qu'on termine avec ça, on est dans une ni'ma. Wallah al-Azim, le croyant, il est dans une ni'ma. Il vit une tranquillité. Si le croyant dans son cœur, il ne connaît pas cette tranquillité-là, il n'a pas encore goûté à halawat al-Iman, alors il faut s'efforcer de faire toutes les causes pour goûter ce qu'on appelle halawat al-iman, ce qu'on appelle la douceur de la foi. C'est le prophète Sam qui nous dit qu'à un moment donné, le croyant goûte à ce qu'on appelle la douceur de la foi. Wallah nahnu fi ni'matin 'azima. Jusqu'à ce que des pieux prédécesseurs disaient nahnu fi ni'ma. Law 'arafa al-muluk wa abna al-muluk an-ni'mata allati nahnu fiha la jahaduna bis-suyuf. On est tellement dans un grand bienfait qu'il disait, si les rois et les enfants des rois savaient dans quel bienfait on vit, alors ils iraient s'accaparer seuls avec l'épée. Parce que eux, les rois, leur affaire, c'était toujours de s'accaparer des biens du peuple. Ça, c'est une ni'ma, c'est la richesse du croyant. Et on se quitte avec un hadith. C'est pour ça que, en se réveillant le matin, les croyants, lorsqu'ils se rappellent un hadith, parfois, on se réveille le matin, c'est même pas parfois, c'est que le croyant, il se réveille le matin, il détient cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient, il ne le sait même pas. On détient cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient et on l'oublie. Le prophète Sansam dit, celui qui se réveille à beau matin, Yusbih, en bonne santé, auprès des siens, en toute sécurité, il détient cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Trois ni'ma, ou ni'am, trois ni'am, trois grands bienfaits. Si tu te réveilles à beau matin en bonne santé, si tu te réveilles auprès des tiens, auprès des bien-aimés de tes proches, et tu te réveilles en sécurité, alors sache que c'est les grands bienfaits de cette vie d'ici-bas. Tu détiens cette vie d'ici-bas, ce qu'elle contient. Ne te plains pas. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Enseignez cela dans vos maisons. Dès qu'on se réveille le matin, nahmadullah azza wa jal, et on se rappelle de ses bienfaits. Combien de gens sont malades, sont dans des hôpitaux, se plaignent de la mauvaise santé. Alors lorsque le abd se réveille à beau matin en bonne santé, wallah shkurullah, Azza wa Jal, ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, en toute sécurité, ni'ma, ni'mat al-amn, et auprès des siens. Il y en a, ils sont séparés de leurs proches. C'est une grande épreuve. Il est auprès des siens. Pourquoi se plaindre? Et nous, on vit un monde où les gens sont en constante plainte. Ils se plaignent de tout, alors qu'ils sont dans une ni'ma, et le prophète nous dit qu'on détient cette vie d'ici-bas, ce qu'elle contient, et on ne le sait pas. Et c'est sans rentrer dans celui qui a prié Salat al-Fajr. Les deux rakats surrogatoires de l'Fajr avec les deux prières obligatoires. Le bienfait de cela, ce qu'il contient. Parce qu'il a cette dunya aussi, subhanallah. Wa huwa fi dhimmatillah. Et celui qui prie les Isha en groupe et qui prie un Salat al-Fajr en groupe, c'est comme s'il a prié toute la nuit. Parce que celui qui prie Salat al-Isha bi jama'a, fa huwa ka'annahu qama nisf al-layl. C'est comme s'il a prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie Salat al-Fajr, Ma'an Jama'a, c'est comme s'il a prié la moitié de la nuit. Ce qui fait la prière toute la nuit. Subhanallah. On attarde un peu, je suis désolé. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya.